Chapitre 25. Où l'on aime. Il nous faut un moment nous éloigner de cette maison tragique et, revenant de quelques jours en arrière, retrouver d'autres personnages. On avait pu, dans l'entourage, cacher à Raymond, qui assista à l'altercation devant le magasin, les préparatifs du duel entre Raoul et le comte de la Guérinière. On ne put par là même ne pas lui dire le refus du comte qui ne voulait pas se rencontrer avec le fils du banquier Montreuil. Fatalement, on dut lui apprendre la substitution du capitaine de Rennebois à Raoul. Sachant cela, Raymond prit à part son fiancé et un brûle-pourpoint lui dit nerveusement « C'est donc vous, Fabien, qu'allez vous battre à la place de mes frères? N'essayez pas de nier. D'ailleurs, il le faut. Comment il le faut? Expliquez-vous, ma chère Raymond. J'ai déjà cru une fois, quelque temps après la mort de mon père, que mes frères pourraient faire justice de ce misérable. Ils se dérobent constamment devant eux. C'est donc à vous, qui serez leur frère, devenant mon mari, que revient le rôle de justicier. J'espère que vous nous vengerez. » Le capitaine s'étonnait du sang-froid que montrait sa fiancée. « Pourquoi cela ? » fit Raymond. « Ne serais-je pas votre femme, la femme d'un soldat ? Je dois hausser mon cœur jusqu'au vôtre, puisque vous allez vous battre. N'est qu'à vous dire bon courage. » Cependant, le matin du duel, accrochée fébrilement au téléphone, non chez elle, rue Chalgrin, où sa mère, qui ignorait tout, pouvait entendre, mais chez ses frères, rue des Mathurins, elle suivait avec anxiété les phases du combat, dont André Girardet lui disait les détails après chaque reprise. Et son cœur battait très fort. Elle savait que le comte de la Guérinière était un adversaire qui, jusqu'ici, n'avait pas connu la défaite, et que le capitaine risquait sa vie. Mais à chaque reprise, à chaque coup de téléphone, lui disant la vaillance de son fiancé, elle frémissait de joie, d'orgueil, d'espérance. « Le misérable trouve enfin son maître, » disait-elle. Elle comptait maintenant sur la victoire du capitaine. Quand André Girardet lui annonça la fin du combat, Fabien, légèrement blessé, elle poussa un cri de rage. Puis son âme de fiancée parla aussitôt, elle demanda, angoissée, la vérité, toute la vérité sur la blessure. À ce moment, quelqu'un se fit annoncer chez elle de la part de M. Raoul. « Je viens vous prendre, mademoiselle, » dit cet homme. « Rassurez-vous, je suis l'amorce, de la brigade de Paulin Broquet. Voilà le résultat. Après un combat admirable, de chance indécise, le capitaine a commis une faute et a été piqué au bras. Gravement, non, mademoiselle. Mais M. Robert et M. Raoul me chargent de vous conduire à la villa, pour apporter au courageux blessé les félicitations qui lui seront le plus chères. » L'auto de Paulin Broquet attendait en bas. Raymond fut bientôt rendu à la villa. Elle y trouva Mme Laurent qui, non prévenue de ce qui devait se passer ce matin chez M. Girardet, était venue voir son amie malade, avec Riri et sa sœur Marie. Les deux jeunes filles, depuis la mort de leur mère, avaient trouvé dans la maison même de Mme Laurent un appartement qu'elles firent aménager avec goût. Raoul, qui s'occupa de la succession de Mme Ménardier, dut apprendre quelques jours auparavant, non sans émotion, aux deux sœurs, que leur situation de fortune était tout autre que celle qu'elles croyaient. « Le procès de monsieur votre père, leur dit-il, a été révisé. Il est venu en appel. Et il a été gagné voici déjà longtemps. Malheureusement, la banque où les fonds de monsieur Ménardier se trouvaient engagés n'a pu retrouver l'adresse de votre mère, qui, à la mort de son mari, rompit avec le monde, se retira, ne sut pas faire valoir ses droits. Votre fortune vous est rendue, et vous avez aujourd'hui le revenu de plusieurs millions à votre disposition, qui sont déposés chez vous à la banque Montreuil. » Les jeunes filles crurent faire un rêve de conte de fées. Mais puisque Raoul le disait, ce devait être vrai. Et elles demandèrent à Mme Laurent de les guider, à Raoul également, car elles se déclarèrent incapables de savoir quoi faire de tout cet argent. Tout d'abord, connaissant les ennuis de Mme Laurent et sachant pourquoi M. Laurent était en prison, elles dirent à Raoul, son avocat, de prendre sur leur fortune tout ce qu'il faudrait pour désintéresser les créanciers du mari de celle qui se montrait si bonne pour elle. Raoul fit part de cette pensée généreuse à Mme Laurent, qu'elle a embrassée tendrement les deux sœurs. « Merci, mes chéris, » leur dit-elle émue. « Mais M. Raoul vient également de me montrer à la banque Montreuil les résultats de diverses opérations faites par mon mari, des spéculations un peu hardies, qui subirent une baisse ruineuse et qui maintenant sont en hausse. Nous avons retrouvé toute notre fortune compromise et bien au-delà. Mon mari est sauvé et j'espère qu'il me reviendra bientôt. » « Monsieur Raoul est notre sauveur, notre providence, » dit Riri. Il mérite d'être heureux, fit Marie la bossue. Oui, murmura Riri la jolie en baissant la tête et en rougissant très fort, ce dont personne n'eut l'air de s'apercevoir. Raymond ne connaissait pas encore la sœur de Riri. Elle savait seulement qu'elle existait. Mais elle se rappelait surtout la sympathie instinctive qu'elle ressentait pour Riri, la jolie ouvrière. Elle était enchantée de la nouvelle situation des deux sœurs et très heureuse que ses frères leur rendissent la fortune qui leur appartenait. L'auto emporta donc rapidement Raymond à Ville d'Avray. Raoul et Robert conduisirent d'abord leur sœur auprès du blessé qui, pensé, se tenait étendu sur le grand divan, souriant avec seulement un peu de fièvre. « Va, ma chère Raymond, dit Raoul à sa sœur, tu peux l'embrasser, il l'a bien mérité. » C'était le premier baiser que les fiancés se donnaient ainsi. « Merci, Fabien, merci, lui dit Raymond. Ce fut une minute exquise, où tous ces nobles cœurs émus battirent ensemble de tendresse et d'affection. Ensuite, on fit les présentations, car Raymond ne connaissait pas Madame Laurent. Devant Madame Laurent, Raymond, se souvenant du passé de honte, du mal à peine réparé, s'arrêta anxieuse. Mais Madame Laurent, comprenant cet embarras douloureux, lui tendit les mains, puis l'attira à elle doucement et l'embrassa. « Mademoiselle, lui dit-elle, pour certains cœurs affectueux, la date du jour où l'on se voit n'est qu'un hasard, car c'est de tout temps que ces cœurs se sont aimés. » Et se tournant, elle désigna Riri et sa sœur. « Voici Riri et Marie, mes amis, qui vous aiment autant et depuis aussi longtemps que moi. Embrassez-les, elles seront si heureuses. » Les jeunes filles échangèrent de sincères baisers. Madame Raymonde, très observatrice, avait remarqué de quel regard ses frères entouraient la jolie Riri. Elle comprit le drame qui se jouait douloureusement dans ses nobles âmes. « Les malheureux, se dit-elle, ils aiment la même femme. » Elle vit aussi que Raoul, malgré tout l'effort qu'il faisait pour renfermer son amour, le laissait éclater et rayonner. Elle vit quelle volonté Robert employait pour dissimuler de son côté son amour pour Riri et faire que son frère ne s'aperçût de rien. Et la noblesse de ce sacrifice la toucha profondément. Mais elle devina qui des deux se trouvait maître du cœur de Riri. Riri aimait naïvement, simplement et sincèrement Raoul, comme elle-même elle aimait Fabien. Il fut convenu que le capitaine resterait un jour ou deux à la villa. C'était un prétexte pour le retrouver le lendemain ici. Le soir, comme Robert à Ville d'Avray se tenait encore auprès de son blessé, Raymond se trouva rue Chalgrin seul avec Raoul, dans l'appartement que les deux frères occupaient chez leur mère. Raymond tout d'abord alla jeter un coup d'œil dans les pièces voisines. « C'est pour savoir si Marcelin ne nous espionne pas, » dit-elle. « Ce garçon est toujours où il ne faudrait pas qu'il fût. » « Ah, tu as remarqué, toi aussi ?»« Oui, mais j'y veille, et je le corrige de ce défaut. » Raymond reprit sans donner d'autre explication à son frère. « Sais-tu, mon cher Raoul, que je suis enchanté de connaître cette excellente Madame Laurent, et surtout les deux sœurs Marie et Riri ?» Raoul tressaillit, se demandant où sa sœur voulait en venir. « Riri, dit Raymond, est délicieuse. Je ne connais qu'une jeune fille qui puisse lui être comparée, qui puisse, sinon lutter avec elle, du moins, montrer sans être écrasé à côté d'elle son charme, sa grâce, ses beaux yeux, son sourire. C'est Irène de Valtour. C'est vrai, oui, en effet. Raoul anxieux demanda. Pourquoi me dis-tu cela, Raymond? Pour rien. C'est Riri qui m'y fait penser. Je t'en parle, pour en parler, voilà tout. Non, ma chère Raymond, ta pensée est tout autre. Allons, sois franche, dis-moi ce que tu veux me dire. Mais pas autre chose. « Voyons, quand on parle ainsi à un garçon d'une jeune fille, c'est qu'on veut les marier. »« Je t'assure que mon idée est tout autre. »« Eh bien, ma chère Raymonde, laisse-moi tout de même te dire que je n'ai nulle envie de me marier, que je ne le peux pas, que je ne le dois pas. Les raisons ?»« Ce que tu sais de la mission qui nous incombe. L'autre raison ? Il n'y en a pas d'autre. »« Si. Une avec des cheveux dorés. »« Comment ? De grands yeux mauves, mais un rire délicieux. » « Riri, enfin, Riri la jolie !» Raymond prit affectueusement la main de son frère. « Ce n'est pas aux yeux d'une sœur comme la tienne que tu pourrais cacher les secrets de ton pauvre cœur, mon bon Raoul. Je sais, oh oui, je sais plus que toi-même, tu ne peux savoir. Je ne comprends pas. Je sais que tu aimes Riri. Je te jure, tu aimes Riri, et Riri t'aime, Riri. Cela saute aux yeux. Elle t'aime et tu l'aimes. » Raoul gravement répondit. « Eh bien oui, c'est vrai, oui, Raymond. Mais je m'efforce de tenir caché ce secret dans mon cœur. Oui, j'aimerais rire de toutes les forces de mon âme. Et je suis malheureux de l'aimer. Oh oui, bien malheureux. Pourquoi ? Parce que, voyons, Raymond, tu le sais, Riri est la fille de M. Ménardier. Eh bien ? Entre la fille de M. Ménardier et le fils de celui qui le ruina, qui causa sa mort, qui plongea toute cette famille dans la misère, il y a un fossé, un abîme. Non, Raoul, non. Ce fossé, tu le combles. Et toi, Raoul Montreuil, ne sachant pas qui était Riri, tu es venu à son aide parce qu'elle était sans défense. Toi, millionnaire, tu aimes Riri pauvre et tu en aurais fait ta femme. C'est vrai. Aujourd'hui, Riri est riche, mais c'est grâce à toi. Et Riri, qui t'aimait déjà, t'aime bien plus maintenant que c'est toi le pauvre. D'ailleurs, avec une femme comme Riri, l'argent n'entre pour rien quand on aime comme elle. Raymond, tu parles avec ton cœur. Riri a le même cœur, j'en suis certaine. Ce mariage est impossible. J'aurai l'air de reprendre ce que notre loyauté nous force à rendre à ceux que notre père a dépouillés. Tu rends sa fortune à Riri, mais tu dois aussi lui donner compensation des années de souffrance, de pauvreté, de malheur. Tu dois la rendre heureuse, et c'est près de toi qu'elle attend son bonheur. Raymonde, si je te parlais de mon amie Irène de Valtour, c'est parce qu'il faut maintenant que tous deux nous pensions aussi au bonheur de Robert. Je crois que c'est auprès de cette adorable Irène qu'il le trouvera. Le lendemain, ce fut Robert qui, se trouvant seul avec Raymonde, aborda ce délicat sujet. « As-tu remarqué Raymonde ? » lui dit-il, « toi qui remarques tout. De quels yeux Raoul embrasse cette exquise Riri ?» Et disant cela, Robert frémissait douloureusement. « Oui, j'ai vu, » fit Raymonde. « Eh bien, il l'aime. »« Hein, alors ?» Ne penses-tu pas que Riri serait pour lui la femme rêvée, tu crois? J'en suis sûr, puisqu'il l'aime. Et elle? Elle, Riri, mais elle l'adore, ça se voit clairement. Bon. Cependant, voyons, mon cher Robert, le passé, l'affaire Ménardier. Oui, nous réparons le mal causé par notre père. On ne peut rien reprocher à Raoul. Si Riri apprend, mais elle saura tout. Et ne pourra, j'en suis certain, que trouver grande et noble l'âme de celui qui l'aime. Raoul sera pauvre. Voilà une question qui n'embarrassera pas Riri. Elle l'aimera sans un sou, comme lui l'aimait quand elle était pauvre. Elle sait donc qu'elle n'est pas aimée pour son argent. D'ailleurs, Raoul n'est pas si misérable que cela. D'abord, il dirigera la banque, ou bien son talent d'avocat lui créera une situation enviable. Puis, ma chère Raymonde, je lui donnerai ma part. Et toi ? Moi ? Je suis le docteur Robert, le médecin des humbles. Je suis habitué à la pauvreté. Tu ne penses pas te marier ? Robert secoua la tête. Non, non, je ne me marierai pas. La raison ? Je me dois à ma mission de docteur Robert. Je suis un savant, pas fait du tout pour le bonheur d'une femme. Et puis, je suis né oncle, moi, oncle gâteau, tu verras. Enfin, j'aurai assez de mal à soigner les rhumes, les rougeoles, les coqueluches, après les premières dents de tes enfants et des siens. Ma vie sera bien remplie comme ça, bien remplie, et j'aurai là ma part de bonheur, dans votre bonheur à vous. Raymond n'en écouta pas davantage. Elle lui passa les bras autour du cou et l'embrassa. « Toi, dit-elle, tu as le plus grand cœur de nous tous. »